C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Et avec François Landry, on parle de la hausse des frais de scolarité dans la chronique Phénomène. Ah, apparemment que les gens t'entendaient, je ne t'entendais pas. Mais moi-même, je me suis entendu. Ouais, ben il y avait le micro, le micro t'a désactivé sur la console, c'est tout. C'est fort. Bon. On aime ça. Pas grave. Bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de 6x3 Rivières en ce jeudi 2 décembre 2010. Tout à fait. Ça va bien, Mathieu? Oui, ça va bien. Excellent. C'est pas un bouton qui va m'empêcher de vivre, là. C'est comme un bal. C'est pas un bouton qui va m'empêcher de pas y aller, finalement. Parce que j'irai jamais à un bal, franchement. Bal masqué? Non. Imagine-toi, attends un peu, Mathieu. Imagine-toi un bal masqué avec la compagnie créole qui chante au bal masqué. Oh, hey, wow, oui. Est-ce que tu irais? Non. Oh. Il n'y a rien à faire. Ah, je suis rabat-joie pas mal, hein, matin. Mais, hein. aujourd'hui, à l'émission, on a un beau petit plan pour vous, bien préparé, bien ficelé, bien comme un jeune animal tué et ensuite dépecé. Et après, il met un petit filet, un petit genre de cordon. Tu sais, là? C'est quoi, les cochons? Qu'est-ce qu'ils font avec... Ben, le bœuf, il y en a. Il y en a aussi... je pense que tu peux... Des tournadeaux de poulet, en fait. Ouais, des tournadeaux. Ça, c'est-tu le bacon autour? Ouais, pour... J'aime pas ça, non. T'aimes pas le bacon? J'adore le bacon. OK. Pas autour de ça. Non? Je trouve que ça rend le poulet moins sec. Ouais, peut-être. Et moi, en fait, je trouve vraiment que le poulet, c'est très sec. Donc, je suis comme moins porté à en manger. Ouais. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Qu'est-ce qui vous a amené à parler de... Je sais pas. La ficelle, l'émission bien ficelée. Oui, tout à fait. Donc, Simon Fitzbé raconte l'histoire des Beach Boys dans sa chronique Phénomène. C'est le sujet du jour. Les Beach Boys, moi, j'adore les Beach Boys. Je trouve ça très bon. Ouais, pourquoi? C'est vraiment mon genre de musique. J'adore ça. Okay. La musique surf un peu, j'aime ouais, ça. Ouais. On a aussi François Landry qui va nous parler de la hausse des frais de scolarité. Et là, il nous demande la question: quel principe devrait guider la hausse des frais de scolarité? On va en parler avec lui vers les 8h30. Simon, c'est à 8h. D'ici là, il y a C'est un fait. Il y a plein de bonne musique, évidemment. Hein? Du contenu. Tout à fait. Et hey, puis, Mathieu, peut-être un petit bloc deux fois aujourd'hui. Ouh, ça va barder. Ça va barder. Oui. Pour ce jeudi, dernière émission de la semaine. Oh oui. Et puis, sachez-le, cher auditeur, nous sommes présentement sans moustache. Oh, c'est vrai! Hier, on en parlait, on a... Mais ça va très bien, Mathieu. Mais non, j'ai l'air d'un petit bébé. Ah ouais? Bah ouais. Non. Non, vraiment pas, je sais, mais je sais pas, il manque quelque chose en ce moment. Et, tu t'habitues après un mois avec une moustache ou un début d'œil, hein? Mais bon. Ouais, mais c'est comme une libération. Oui. Être une femme libérée. Oui, c'est ça, non mais... Je sais pas ce que j'ai avec les paroles de la compagnie créole, peut-être. Ah, c'était... Être une femme libérée. Ah, c'est eux autres, ça? Ben, je pense. Ça se peut. J'aimerais mieux pas savoir, ça, c'est toujours aucune idée. Si je le savais, je le dirais peut-être même pas. Non, on sent bien, c'est l'après-Movember pour nous et pour vous sûrement, pour vos copines peut-être. Hein. Il y en a qui étaient contentes hier ouais. soir, oui. T'as eu droit à une jolie récompense. Malaise à la radio. Ouais. Je pense qu'on va entendre une pièce d'Atomic Baobab. Merveilleux. C'est Danny hier qui l'a fait jouer pour la première fois parce que Myriam, la nouvelle chroniqueuse culturelle du Dîner de Con, nous a amené l'album. Oui, le maxi de 5 pièces. On était habitués avec le simple d'une seule et unique pièce, Bombe cérébrale. On la faisait jouer sans cesse ici, assez fou. Ça n'arrête pas de jouer. Je pense que le CD est au moins dans un des lecteurs la plupart du temps. Ça. Ouais. Un des quatre. On est quatre. On a quatre lecteurs. Tout à fait. Une copie du CD. Il se promène, tu sais. Ouais, exact. Bon. Fait que le Maxi va maintenant prendre la relève de ça. 5 pièces là-dessus. On écoute Cut Up au 89.1 FM. Fou! Dans vos oreilles. Everything's my fault. it's fun. You can't save me, you can't change me. Unwritten Law avec la pièce Save Me, qui se trouve d'ailleurs sur l'album Ears to the Morning. Ears to the Morning. Ears to the Morning. Okay, le matin, c'est maintenant le matin, ça? Ouais, exactement. Ben voilà. Exactement. Et juste avant, on a entendu Atomic Baobab, comme tu le disais si bien, Mathieu. Oui. Avec la pièce Cut It Up. C'est sur leur nouveau maxi Atomic Baobab EP. Et en passant, c'est des pièces en anglais là-dessus parce qu'ils étaient obligés de faire une pièce en français, Bombe Cérébrale, pour le concours Les Mardis de la Relève. Tout à fait. Tout à fait. Les gagnants, en fait, sont obligés d'enregistrer une chanson en français. C'est le prix du concours. Et elle était très réussie. Oui, oui, oui. Une très bonne pièce, d'ailleurs, qui joue souvent et qui se retrouve sur le palmarès. Oui, et si on ne la joue pas parce qu'on est obligé, on la joue parce qu'on l'aime. prochain bloc, on va l'entendre Lovely Feathers. Commençons avec Louisa. Au 89 FM, c'est fou. On joue ce qu'on aime et on aime ça le jouer. Tout à fait. Belle façon de le dire. Tout à fait. 9h à C'est fou. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'était l'émission matinale en pièces détachées. François Olivier, on se gâte. Mais en fait, je te gâte. C'est plus toi qui vas se gâter parce que moi, je serai pas, mais quand même. Oui. Et... oui. Hey, un double menton. Double menton, double dose. Qu'est-ce qu'on peut doubler? Notre plaisir. Oui, tout à fait. Ouais. Deux bâtons de gomme. Des fois, je le fais. Ouais. Ça dépend c'est quoi la gomme. Des fois, c'est très fort. Des fois, la cannelle, c'est comme trop intense. Là. Ouais. Uh-huh. Non, tout ça pour dire qu'en me rasant la barbe, ça me fait remarquer mon double menton. J'aime pas ça. Le bloc, il était deux fois. Même pas. Non, OK. Non? Ben, écoute, là, présentement, je vois juste un micro. Là, mais... Non, non, pas. Ah, ben, comme ça. Ouais, ouais quand je fais, ouais. Moi, j'en ai un si je fais ça. J'avoue. Ouais. Est-ce qu'on fait un bloc, il était deux fois, à la oui. place de... Ouais, OK. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Peu importe. Drop ça. Deux fois. Drop ça. Mais là, elle m'a dit, t'as deux mentons quand tu traces. Quand tu traces, t'as deux mentons. Ouais, c'est un petit peu déprimant, hein, je trouve. C'est pas très fin. Ouais. J'aime quand même. Ouais. Ah. Des fois. Donc, deux fois. Je l'aime deux fois. Deux fois. C'est ça que je voulais dire. Ça en est bien tiré. Ouais. Donc, dans le bloc, il était deux fois. C'est le bloc révolutionnaire où, là, je vais vous demander de vous asseoir sur votre chaise parce que je dois vous l'expliquer. C'est Chambranville, hein? Chambranlan, mettons. Chambranville, tabarouette. C'est qu'on vous joue deux pièces d'un seul et même artiste. Tout à fait. C'est nouveau. Tout à fait. Nouveau concept. Les deux pièces, ça se peut qu'ils se retrouvent sur le même album. Ça se peut que ce soit sur deux albums différents. Ce coup-ci, c'est le cas. C'est encore plus révolutionnaire, donc. Exactement. En fait, on va aller entendre The Gaslight Anthem. Et ça, c'est l'artiste. Et la pièce numéro 1 va s'intituler The 59 Sound. Ouais, et puis la deuxième, c'est celle qui va être acquise sur le palmarès en ce moment. C'est Bring It On de leur album American Slang. Tout à fait. Un beau petit bloc qui était deux fois qui commence à l'instant. Assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, la radio qui change le monde. Aujourd'hui, Trois-Rivières, demain le monde. Demain, le Cap-de-Madeleine. Ah ouais, belle place. Young boys. and Spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may wanna leave. So give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. If it's better than my love, then bring it on and take it back out to the streets where you know you used to be. For the Romeos uptown, if I bring you down, and you're tired of those vows, and you're really walking out, then give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. If it's better than Gaslight Anthem dans un bloc. Il était deux fois. Oui, c'est déjà terminé. C'est déjà tout. On a entendu la pièce Bring It On, qui est sur le palmarès anglophone. C'est sur l'album American Slang. On a débuté avec 59 Sound, de leur précédent vieil album du même nom de 59 Sound. Tout à fait, tout à fait. Hey, Mathieu, je vais te parler de quelque chose qui va te toucher. Ah, OK. Oui, ouais. Cancer de la prostate. Ah, OK. Ah. Tu sais, écoute, on a parlé pendant tout le mois de novembre. Ouais. On s'est laissé pousser la moustache pour le Movember. Quel souvenir, c'est du passé, faites-en pas. C'est derrière nous. Et puis, c'est ça, pour signifier notre appui pour le cancer de la prostate, soutenir la cause, ce truc-là. Et puis, quelque chose qui est sorti hier, et puis je suis tombé là-dessus aujourd'hui. C'est une étude scientifique qui a été faite dans le cadre qui a été publiée dans le British Journal of Cancer. C'est les hommes dont l'index est plus long que l'annulaire. L'annulaire, c'est le doigt juste avant le petit doigt. Ouais, c'est ça exactement. C'est ça. L'index, si l'index est plus long que l'annulaire, tu présenterais moins de risques d'avoir le cancer à la prostate. Sont complètement, pas mal égaux, là, je te dirais, les miens. Moi, c'est-tu quoi? Je regarde, là, parce que, en fait, j'en ai pris conscience, là, mais mon index est plus petit que mon annulaire. Donc, à croire l'étude, je serais plus porté à avoir le cancer de la prostate que toi. OK, non, tu vois, mes index, je les remarque là, quand je place ma main droite. Ils sont plus longs, mes index. Ils sont plus longs. Donc, j'aurais plus de chances d'attraper, mais de développer ça. De développer, merci. Le cancer de la prostate que toi. Et oui, effectivement, l'étude a été comparée, en fait, les mains de 1524 personnes atteintes d'un cancer de la prostate avec celles de 3044 personnes en bonne santé sur une période allant de 1994 à 2009. Donc, okay. C'est quand même sérieux et c'est quand même, en fait, des scientifiques là, de renom. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, les participants dont l'index était plus long que l'annulaire présentaient un risque de développer un cancer de la prostate inférieur de 33%. Ah, ouais. Pour les moins de 60 ans, le risque tombait de 87%. Donc, c'est énorme. Quand même. Normalement, j'aurais douté de tout ça, mais là, avec le nombre de gens et de personnes et de renom et de cyclistes. C'est ça, et sur un bon laps de temps, ouais. On parle de 94 à 2009. Ah ouais. Et puis, il y a une mise en garde, par contre. La taille d'un doigt ne peut tout en fois pas suffire à elle seule à établir un pronostic. Ça, évidemment, on s'en doutait, ouais. Dans le sens que sinon, je serais inévitablement touché du cancer de la prostate. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Elle doit, selon le docteur Hills, être jumelé à un ensemble de marqueurs de la maladie, puisque pas moins que de la moitié des hommes ont un index plus court. Eh bien. Tout ça se retrouve d'ailleurs sur. C'est une étude qui a paru sur radiocanada.ca. Parfait. Ce que je trouve bizarre, c'est comment ils ont déterminé que c'était la longueur de deux doigts de la main. T'imagines le nombre de facteurs qu'ils ont dû vérifier et essayer de faire des corrélations dans un graphique ou quelque chose du genre pour trouver si les orteils, si le genou qui est plus par en avant, c'est-tu les. Mais je pense qu'il partait avec cette prémisse-là, dans le sens que dans le texte, c'est marqué que les auteurs de ces travaux pensent que la longueur des doigts pourrait aider à détecter les hommes à risque avec plein de facteurs génétiques aussi. Donc, je pense qu'ils ont vraiment opté pour ça. J'imagine qu'ils ont dû regarder les orteils en même temps. Là, ouais. Ça doit avoir un lien, inévitablement. Ça, l'article ne le dit pas, par exemple. Mais... Fascinant, tout ça. Fascinant, François. Mais le corps humain est rempli de surprises. Hein. Et Dieu sait que... Eh, hey, on sait pas sur quoi on est tombé. Dieu là, ça va bien les affaires, la façon que tu parles. Eh, ça grave. C'est lui le grand maître. Oui, c'est ça, ben oui, tout à fait. Vous voilà, s'il te plaît, la prochaine fois. Non. Non. Non, non, merci. Ça va, ouais. C'était un bon fait que tu nous as raconté là sur les doigts. On espère que c'est un fait, du moins l'étude le ben, le ben, ouais, c'est ça, c'est une étude scientifique, là. On ne saura pas avant un bout. Mais moi, je vais vous parler de d'autres faits qui n'ont pas rapport avec l'intérieur du... dans ton... avec le... non? Non, ça n'a pas rapport avec ça. Oh. C'est juste des faits en général. Dans la chronique, c'est un fait. La chronique, c'est un fait. C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Des faits. En voulez-vous, en v'là, on en a en vrac, François-Olivier. En vrac. Amène comme... ta pelle, puis prends-toi-y. C'est ça, prends-en comme t'en veux, mais paye à la fin, par exemple. Oh, t'as pas le choix, là. Non, hit and run, là. Des bonbons. Ça marche pas avec Mathieu Plante. Pas tant. Savais-tu que 5 des 10 romans qui se vendent le plus au Japon en 2007... Okay. Donc, la moitié plus, des romans qui se sont vendus le plus... Exactement, ont été écrits sur des téléphones mobiles. Hein? Mais je sais, c'est bizarre, mais peut-être que les auteurs là-bas sont tellement pressés qu'ils doivent écrire des livres dans l'autobus, dans le métro, sur un BlackBerry avec un petit clavier. Je sais pas, je trouve ça bizarre. 5 des 10 best-sellers au Japon en 2007 écrits sur des téléphones mobiles. Je le crois pas, moi, celui-là. Mais bon. Moi non plus, en fait. Tu peux pas écrire un livre avec ton téléphone. Non, tu peux écrire un téléphone avec un téléphone, mais... Ben oui, mais c'est parce que imagine le temps que. Puis c'est pas confortable, c'est vraiment pas. Puis en fait, c'est vraiment pas pratique. Je fais beaucoup de fautes, moi, là-dessus. Ouais, mais ça corrige tes fautes, puis peut-être qu'après ça, ça passe de toute façon par un éditeur qui va venir corriger et ajouter les lettres qu'il manque ou les accents quelque part. Je sais pas. Étrange, mais bon, c'est un fait trouvé sur les différents internets. Savais-tu que depuis 1896, General Electric, tu connais GE, a eu moins de leaders, de chefs. Que le Vatican a eu de papes. Ils ont eu 8 chefs. Là, on ne sait pas le nombre de papes, mais 8 chefs chez General Electric. Eh oui, intéressant. Très grosse compagnie, ça. Très gigantesque compagnie. Savais-tu, tu connais peut-être les craquelins Animal Crackers en forme d'animaux? Ouais, ouais, tout à fait. As-tu déjà vu? Moi, j'en ai pas vu, mais des boîtes d'Animal Crackers avec une petite corde. Une corde? Est-ce qu'il paraît que c'est comme genre la marque de commerce des Animal Crackers? Une petite corde, une ficelle. Non, ça me dit absolument rien. Ben, à l'origine... C'était fait pour être pendu sur des arbres de Noël, ces boîtes d'Animal Crackers là. Les accrocher comme cadeaux. Et voilà, tu reçois des cadeaux, des biscuits. Peut-être pour le Père Noël. Peut-être. Bon concept, par exemple. Bien, ouais. Bonne idée, dans le sens que les enfants peuvent aussi la tirer par terre, des fois. Oui, c'est ça. Ils peuvent faire des dégâts. On aime toujours ça. Non, mais tu sais, ils traînent leur boîte avec eux autres. Oui, comme chose là, dans Charlie Brown avec sa couverte. Ouais, tout mais à fait. Avec des craquelins d'animaux. C'est pareil. Tout à fait. Tu connais peut-être le film et le conte A Christmas Story, un conte de Noël. Il y a eu un remake récemment, il y a quelques années. Hein. Un conte de Noël. Je crois que c'était Jim Carrey qui était là-dedans. Possible. Bref, dans l'original A Christmas Story, Ralphie Parker, un des personnages, dit qu'il veut un Red Ryder BB Gun 28 fois dans le film. Un Red Ryder BB Gun? Un BB Gun Red Ryder. C'est du placement de produit dans A Christmas Story. Benjamin Franklin a déjà fait une liste de tous les synonymes qu'il pouvait trouver pour le mot drunk, donc sous, et il en a trouvé plus de 220. Par what? Benjamin Franklin. Eh ben... ça a pris à une femme en Corée du Sud 960 fois pour passer son test de conduite. 960 fois? Ouais. À un moment donné, arrête, là. Arrête d'y aller. C'est une femme de 69 ans maintenant, Chassa Soon, qui a pris son test de conduite une fois par jour, chaque jour de semaine, donc les jours ouvrables, pendant 3 ans. Ça a commencé ça en avril 2005. Pendant les 2 ans et demi, elle a commencé à ralentir. À la fin, c'était rendu 2 fois par semaine seulement. Elle a réussi après 5 ans. Avoir son permis. Son instructeur, le gars qui faisait c'est passer son mari. Ses tests. Non, c'est pas ça. C'est qu'il considérait pas ses échecs comme il considérait pas ça dans son nombre de fois qu'elle a essayé le test de conduite parce que c'était le test écrit qu'elle ratait et non pas le test de conduite en tant que tel. Ah, ok. Donc ça passe, t'as le droit de le reprendre plusieurs fois. Ouais, tout à fait. Quand tu veux, finalement. Eh ben. À un moment donné, comment tu fais pour ne pas avoir les réponses, là? Ne pas les savoir par cœur? Étudie quelque chose, non? Ben oui, puis en fait, tu sais, c'est beaucoup de logique. Non, mais c'est du par cœur. Je sais pas, on dirait. C'est un peu du par cœur. Peut-être qu'elle a des problèmes de mémoire. Elle a 69 ans maintenant. Le test est en 2005, ça disait. Donc, 64 ans, mettons. C'est quand même, ça commence à être vieux, hein, un peu. Ouais, non, c'est ça. Puis j'imagine que si t'as besoin de le reprendre autant de fois, peut-être que conduire, c'est pas pour toi. Peut-être. T'sais, peut-être que le panneau, mais tu le vois, tu le reconnaîtras plus. Tu sais, si t'as des problèmes. Exactement, c'est un bon point. Transport en commun ou transport collectif, comme ils l'appellent maintenant. C'est c'est un âge respectable, 69 ans. Oui. T'en as jamais eu avant. T'es capable de t'en passer encore. Tout à fait. Savais-tu qu'un golfeur est mort en mâchant son tee de golf? Tu sais, son tee, le petit bâton dans le gazon. En 1982, le lieutenant de l'armée George Pryor jouait au golf au Army Navy Country Club de Arlington, en Virginie. Il a joué un 36 trous et à la fin, il se sentait malade. Il est mort 10 jours plus tard. Comment est-il mort? Ben, il avait une fièvre de 104 degrés. Son corps était couvert de, comment on appelle ça, des blisters, des... tu sais, quand, mettons, t'as de la... Des bulles. Des ampoules? Des ampoules, exactement. Merci, François. Donc, il était rempli d'ampoules sur son corps et éventuellement, 80% de sa peau est brûlée et ses organes majeurs ne marchaient plus. Une substance toxique a été trouvée dans son corps, du daconil. C'est un fongicide qu'on mettait sur le terrain de golf et apparemment, son corps était hyper sensible à ce fongicide-là. Eh bien, c'est pas le fungicide. Difficile ou que Mathieu Plante dit-il? Ah, je l'ai dit, je m'assume. Je m'excuse aussi. Un homme qui était contre les lois qui forcent les gens à porter une ceinture de sécurité est mort parce qu'il n'a pas porté sa ceinture de sécurité. Hein? C'est vrai. C'est un accident évidemment tragique et ironique. C'est un étudiant de 21 ans à l'Université du Nebraska-Lincoln qui est mort en janvier 2005 dans un accident de voiture. Il était passager dans une Ford Explorer qui a flippé, si on veut. Il portait pas sa ceinture de sécurité. Il a été éjecté de la voiture. Évidemment, je pense qu'on connaît tous l'utilité d'une ceinture de sécurité. Oh, ça te retient en place. Là. En 2010, c'est comme évident. Donc, le chauffeur et le passager à droite du chauffeur portaient tous les deux leur ceinture de sécurité, évidemment. Ils ont été blessés, mais t'sais, pas mortellement. Oh, ouais. C'était 4 mois après que ce même étudiant-là ait écrit un éditorial dans le journal Daily Nebraskan qui argumentait donc dans le fond contre les lois qui demandaient absolument aux passagers et aux chauffeurs de véhicules de porter leur ceinture. Il disait que c'était un viol de ses droits. Ça vient de ses droits. Le droit de la personne, il disait, et là je cite son éditorial, « Si je veux être l'épée qui flirte avec la mort et qui se promène sans ma ceinture, je devrais pouvoir le faire. » Il l'a fait. Ben tant pis pour toi. Non? Oh oui. Mais c'est parce que tu mets en danger la vie de d'autres gens sur lesquels tu pourrais atterrir avec ton corps que tu veux tant lancer par la fenêtre, tu sais. Tout à fait. Et puis, en fait, là, c'est parce qu'il y a des frais aussi. Tu sais, quand on pense aux accidents, ouais. Pour nous, au Québec, la SAQ, mais c'est les usagers, c'est nous autres qui payons pour ça. Donc, Savais-tu que là, on va être un petit peu encore lugubre. On parle de mort pendant les prochains faits encore. Savais-tu que la note de suicide de Kurt Cobain était adressée à son ami imaginaire d'enfance, Boda? Ah ouais. C'est vrai, on peut lire la transcription complète de cette note sur le site que j'ai posté sur assemblagerequis.com. Évidemment, donc il y a un scan même de la note en image. Déprimant. Un petit peu moins déprimant parce que ça a pas fini par fonctionner. Frank Sinatra aurait essayé de se suicider deux fois. Hein? C'est vrai. Selon une biographie récente à propos de Sinatra, donc le crooner célèbre vivait une relation tumultueuse avec sa deuxième femme, Ava Gardner. Apparemment que ce serait tranché le poignet dans l'appartement d'un ami en 1953. Son ami l'a trouvé quand il est revenu à la maison, l'a sauvé de sa mort. Et plutôt, il avait essayé de se suicider en mettant sa tête dans un four dans l'appartement d'un autre de ses amis. Je sais pas si c'était... La tête dans le four... Pas la meilleure idée, ça. Pas tant. Non. C'est comme c'est prouvé hein, que si tu essaies de te noyer en te tenant la tête dans l'eau, tu ne seras pas capable. Ah oui? Ah, je savais pas ça. Ouais, parce que ton corps a le réflexe obligatoire d'essayer de te sauver la vie. Ouais. Oh oui, tout à fait. Eh bien. Spécial, ça. Ouais. Savais-tu que le réalisateur George Lucas a eu la misère à faire financer le film Star Wars parce que la plupart des studios ne voulaient pas parce qu'ils pensaient que les gens n'iraient pas le voir? Ah oh, ouais. Ouais. Tous les studios majeurs à Hollywood ont passé par-dessus complètement le script de George Lucas jusqu'à ce que 20th Century Fox dise oui. C'était son dernier essai. Il était super désespéré. Je ne sais pas comment il les a suppliés, qu'est-ce qu'il leur a dit qu'il allait faire, s'il a vendu son âme à 20th Century Fox. Son âme, ouais, peut-être. Mais 20th Century Fox était certain que le film allait être un flop total, mais ils ont fini par accepter à un moment donné. Je ne sais pas s'ils ont donné moins d'argent. J'ai aucune idée. Star Wars est enfin du compte devenu un des films qui a fait le plus d'argent dans le monde de tous les temps. Donc ça montre que des fois, les studios ne sont pas trop au courant de ce qui pourrait marcher ou pas. Faut prendre des chances aussi. Et voilà, faut prendre des chances. C'est une bonne idée, ça. Une femme qui a peut-être dû ne pas prendre cette chance-là, c'est une femme qui a la taille et la grosseur d'un pot de mayonnaise. T'es-tu au courant de cette fille-là? C'est vrai. C'est Cathy Young de Old Mystic au Connecticut qui a la taille. Elle a une taille d'environ 15 pouces de large. 15 pouces. Je sais pas, en tout cas. La misère à mimer mon 15 pouces. 15 pouces de large. Si on pense, mettons, un 12 pouces sous-marin, ça va être à peu près quoi? Ça? Mm-hmm. 15 pouces de large, ouais, ok. Ouais, ça a l'air large, je dis de même, hein. Il me semble. 15 pouces, c'est un peu large, non? Je sais pas, je veux dire. La façon que tu me le montres, là. En tout cas, bref, c'est un type corporel assez spécial que vous pouvez voir en photo sur assemblagerequis.com, évidemment. Ça vient du fait qu'elle porte des corsets à tous les jours depuis 12 ans. Non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Non. J'avais vu des images de ça un moment donné, là, ça fait quand même longtemps, là, mais. Oh! Pas très jolie du tout. Donc, pendant 12 ans qu'elle a porté ce corset-là, elle dit maintenant qu'elle porte le corset 24 heures par jour et elle a une collection de plus de 100 corsets. Donc, évidemment, elle dit 24 heures par jour, mais le temps que tu l'enlèves et t'en mets un autre, tu perds des secondes, ma chère. Fait que 24 heures. Elle a une collection de donc 100 variétés, c'est beaucoup de différentes couleurs. Naturellement, c'est pas une personne mince non plus en général, là, si on la regarde, le reste de son corps. Ses hanches et son buste. Ah! Ouais, je sais. T'es allé voir la photo sur assemblagerequis.com, hein? Ça t'apprendra. Ah, mon Dieu, non, mais hey, attends un peu là. T'as pas le 15 pouces. Moi, je pense que c'est une erreur, 15 pouces. Oh, non, c'est pas 15 pouces. Non. C'est sûr que c'est pas 15 pouces. Puis on dirait, en tout cas, c'est vraiment bizarre comme photo pour vrai. Allez voir ça, assemblagerequis.com, ça vaut vraiment la peine. On dirait sablier. Ouais, vraiment. Et on dirait qu'elle a le derrière en avant. J'avoue, on dirait qu'elle a le derrière en avant. On dirait que c'est un derrière de poupée. Ou une Barbie virée à l'envers. Donc, on dit que ses hanches et son buste mesurent 39 pouces environ de large. Donc, vraiment, je sais pas, je pense que t'as mal mimé. 39 pouces pour les extérieurs et puis 15 pouces pour le centre, c'est ce que ça dit. Mais bon, peu importe. Young a décidé de passer les 7 prochaines années à faire rapetisser sa taille. Elle a importé, au début, là, en 1985, elle a importé des corsets d'Angleterre et graduellement, elle a réduit la grosseur de son corset. Elle aime ça, de quoi ça a l'air, elle trouve ça beau, mais sa fille a dit qu'elle ne voulait pas que sa mère se présente à son école avec ça, ou en tout cas avec ses vêtements. Là, je sais pas, c'est le vêtement qu'elle porte de cuir, genre, présentement. Là. J'imagine que si tu mets un gros chandail normal, ça paraît peut-être pas du tout. 15 pouces, c'est 38,1 cm. Ouais. Une règle, peut-être. Un petit peu plus qu'une règle. Mais en tout cas, allez voir ça. Assemblage requis, ça vaut vraiment la peine pour vrai. Là. Et si vous suivez, à la fin de l'article, il y a un petit lien. Check out her website. Là, clique sur le mot website et il y a d'autres photos d'elle. Donc, si vous allez sur assemblagerequis.com, retenez ça. La fille, c'est pas une fille LED. Là, je veux dire, on la voit sur ses autres photos. Elle est quand même pas affreuse. Je pense que c'est pas une photo récente. Là. Mais bon, quand même. CathyYoung.com, C-A-T-H-I-E et J-U-N-G. Tout ce qui peut être mal éplé dans son nom est mal éplé. Allez voir ça. C'est beau à voir. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Aujourd'hui, il y en aura d'autres lundi à Assemblage Requis. T'as aimé ça? Hey, j'ai adoré celle-là. Ça m'a... C'est-tu quoi? Ça puis un pot de mayonnaise, me prend la pot de mayonnaise. Hein? Mais certainement. Non, mais mais imagine que à quel point ça doit être troublant tu croises une personne comme ça. Oui. Exemple, à l'épicerie. Exemple. Et puis, ça doit-tu être mauvais pour le corps? Non, mais ton corps n'est pas fait pour être en entonnoir comme ça. Non, mais autant que dans d'autres pays, tu sais, les filles qui portent des anneaux au cou, là. C'est vrai. Pas fait pour ça non plus, là. C'est vrai. Tu sais, ce qui étire le cou, là, genre, ils ont des coups d'un mètre de haut, là, comme une girafe. Ouais. Non. C'est vrai. Don't like it. Don't like it at all. Puis à un moment donné aussi, je pense que c'était les Chinoises qui seraient les pieds. Hey, ça, c'est quelque chose, les sérieusement. Les petits souliers. Ça, c'est dégueulasse. Et puis l'autre, c'est les grosses lèvres aussi, les anneaux dans les lèvres. Ah, ça, je sais. C'est absolument repoussant. Mais bon, il y en a qui sont attirés par ça, j'imagine. Je sais pas c'est quoi l'idée de ça. Bon, peu importe, on n'est pas là pour juger les autres cultures. Hein? Non. Malgré qu'on vient de le faire pendant comme 2 minutes. Voilà! Mais c'est pas une culture, là, c'est une obsession. Ben c'est comme les bodybuilders. Ça aussi, c'est une culture, non? Je sais pas, moi, j'équivaut ça un petit peu à ça. Ah ouais. Mais bon, que voulez-vous? C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt. Simon Fitzbé s'en vient avec sa chronique Phénomène. Il nous parle des Beach Boys. Tu vois où elle pourrait, elle être populaire? Peut-être sur une certaine plage, dans un certain pays. Avec les garçons. Et je lui souhaite, sincèrement, je lui souhaite. On lui souhaite que du bonheur. Même chose pour François Landry qui s'en vient tout à l'heure avec sa chronique politique. La chronique Logocratie 101. Alors restez avec nous. On se quitte pour l'instant avec l'Info Campus et on revient après. Restez. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce jeudi 2 décembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Bonjour, François. Bon matin, Mathieu. Ça va toujours bien. Ça va très bien. Je suis sur le site internet là, de la dame... Au pot de mayonnaise. Au pot de mayonnaise. Ah! Simon, c'est bon, hein? Elle a une photo d'elle avec Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis. Je trouve ça... assez hyper, hein? Ouais, hein? C'est comme si on endossait ça, t'sais. Ouais. Pas le fun, ça? Non. Donc, vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est vrai, et vous le savez peut-être aussi, tous les jeudis, c'est le Simon Fitzday. Et là, ben, c'est le moment de recevoir ce Simon Fitz. Ben, on va l'appeler Simon Fitzday. Là, si on l'appelle à journée de même, on va falloir qu'on l'appelle Simon Fitzday, non? Ah, il va falloir que je me débaptise. Ouais, c'est ça. Non, c'est Simon Fitzbé, voici sa chronique Phénomène. T'es un vrai chef d'orchestre. Ah ouais. On l'entend Maestro. Ici. Sa musique est excellente. Je me fais aller, moi. Oui.

to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine. The dim lights toasting. While at port a and I, beyond belief, a broken man too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the wonderful thing, a children's song. A children's song that you listen as they play. La pièce Surf's Up, donc, qui un peu souligne la fin de la carrière des Beach Boys. En fait, Surf's Up, c'est une pièce qui a été écrite après que Dennis ait dit à Brian, c'est fini le surf, la mode surf est terminée. Et donc, il a écrit cette pièce-là un peu pour souligner la fin de toute cette mode surf dans tout. C'est triste, ça. Ouais. Moi, j'aime ça, la musique surf. C'est bon. C'est assez intéressant. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Simon Fitzbé. Moi, sérieusement, cette chronique-là, je l'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Beach Boys! Alors, on se retrouve jeudi prochain. C'était un essai de faire un boy comme un rappeur, mais c'était complètement raté. Boy! Boy! C'est la boulette! Oh, là, tu l'as pas. Boy! Bro, bro! Bro, bro! On fait honte à Simon, là. Donc, de retour jeudi prochain à 8h pour une autre chronique phénomène. Effectivement. Dans le Simon Fitzday, tu as d'autres émissions, chroniques et segments. Oui. On te retrouve sur l'heure du midi, entre 11h et 13h, au Dîner de cons. C'est ta chronique Le Scoot des Internets. Oui. Et les jeudis soirs, tu as ta propre émission à 21h, La Saveur du Moment. Effectivement, on va écouter du bon fusion ce soir. Ah, d'accord. Et puis, vendredi, dans l'émission du vendredi. Oui. Tu seras là aussi. Effectivement. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci. Et puis, tantôt, dans la chronique de François, à chaque fois, je l'oublie. Hey, donnez beaucoup, c'est la guignolée aujourd'hui. Hein? Oui, c'est vrai, donnez. Tout à fait. Donnez de l'argent. Sérieusement. C'est important. Pas juste de la nourriture. Non, de l'argent aussi, c'est important parce que c'est des frais pour l'année aussi, ça. Ils vont acheter de la nourriture pour le restant de l'année. Oui. C'est bon. C'est utile pour tous. On se quitte en publicité. On vient avec François Landry et sa collègue Logocratie 101. Aujourd'hui, on parle de la hausse des frais de scolarité. Ça va être intéressant. Oh oui. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. De retour pour une 23e minute. Non, il reste, minutes. C'est ça, il reste 23 minutes. Ouais, on est à la 37e minute de l'heure. C'est ça, exactement. L'autre fois, Simon, il me disait qu'il fallait dire heure avancée ou heure normale de l'Est, mais je me demandais la question. Quelqu'un pourrait peut-être me répondre, François. Si, mettons, juste heure de l'Est, ça englobe tout, non? Tu sais, non? Il faut vraiment préciser absolument que c'est heure avancée ou heure normale de l'Est. Il me semble que oui. Ouais. Il me semble que oui. Ben, c'est plate, ça. Des fois, dans. Ouais. Ça sonne moins bien. Des méchantes questions. Ouais, c'est ça. Ouais. On va regarder Météo Média. Pas très intéressante comme question, mais très bonne question. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça résume bien l'émission aussi. Ouais. Sauf le contenu de nos chroniqueurs et une de nos pièces de viande les plus délicieuses. Les plus tendres. Les plus tendres, j'aime ça. Un homme tendre. On dirait Maxime Landry quand il parle. Voici François Landry et Logocratie sort. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. C'est comme des langues, mettons, c'est l'espagnol, c'est comme si les gens chantent quand ils parlent, tu sais. Mais toi, c'est comme avec Maxime Landry, t'as l'air de parler sur un ton de chanson de tu. Ouais, ça, okay. Tu m'expliqueras ton concept dans ta tête là, après. Là, c'est la douceur mielleuse de la voix de Maxime Landry, mais en parlant à place. Tu sais? Je vais le prendre comme un compliment, mais je suis pas certain d'apprécier le compliment. Pas certain que c'en est un. Pas sûr. Dès qu'il y a le mot Maxime et François dans la même phrase, j'ai le poil qui m'hérisse. Donc on va lâcher le sujet, lâcher le morceau. Ouais. Ouais. Lâcher le cardigan. Oui. Le veston. Le bon veston. Le veston. Bref, François Landry. Oui. Politique. Oui. C'est ton sujet. Oui. Et aujourd'hui, on parle de la hausse des frais de scolarité. C'est un sujet assez chaud. Assez tiède, qui va devenir chaud avec le temps, je veux dire. Ah, ok, c'est encore tiède, ça? Oui, parce que. À chaque fois que j'entends parler de frais de scolarité, tout le monde dit ah, le dégel s'en vient, le dégel s'en vient. Nous sommes en période de dégel depuis 2007, pour ceux qui s'en rendent pas compte dans leur facture. Depuis 2007, il y a une hausse de 50 $ par session. Donc, à chaque fois que tu t'inscris à l'université, automne, hiver, tu as une hausse de 50 $. C'est 3,33 $ par crédit. Et là, le 3,33 $, je fais une aparté ici, c'est un calcul mathématique de fonctionnaires qui... Ah, ils sont bons là-dedans. Ils sont bons là-dedans parce que, ça, je vais juste revenir en arrière, quand en avril 2007, la ministre Courchesne annonce qu'elle va mettre un terme au gel des frais de scolarité qui prévalait depuis 1994, elle a dit on va augmenter de 50 $ par session les frais de scolarité jusqu'en 2012. Et là, moi, je me suis dit... Comment qu'elle va calculer ça, 50 $? D'où est-ce qu'elle sort ça? Que j'appelle au ministère, j'appelle pas la ministre, parce que c'est bien difficile de lui parler, la ministre. Je parle à un adjoint. Je dis, où vous l'avez pigé, votre lapin de 50 $ par session? Je te reviens là-dessus, parce que je sais pas. Que là, plusieurs démarches plus tard, plusieurs mois plus tard, je le rappelle, il dit, j'ai trouvé la réponse. On va diviser 50 $ par 3,33 $. Donc, ça va donner 15 crédits. Hein? 15 crédits, c'est une session normale. Donc, c'est 3 crédits par cours. Ouais, c'est 5 cours. Donc, il dit, normalement, un étudiant type prend 5 cours par session. Donc, 5 cours, c'est plus 50 $. On divise ça, c'est 3,33 $. OK, donc ça fait 49,99 $ par session, non pas 50. Mais... Ouais. Dans le fond, c'est juste une promesse envoyée en l'air de même. On va dégeler de 50 $, un beau chiffron médiatique qui passe très bien. Qui est pas trop, qui est pas 100 $. Que tout le monde oublie, parce que tout le monde me dit qu'on est en gel de frais de scolarité, non pas en dégel présentement. Et que le gouvernement savait même pas pourquoi il augmentait de 50 $. Il n'y avait pas un raisonnement scientifique, mathématique ou économiste derrière. C'est bizarre, ça. C'était seulement populiste. Un dégel de 50 $ populiste. Cela m'amène à, aujourd'hui, ma question que tu as posée en entrée de jeu, Mathieu. Mais quel principe devrait guider la hausse des frais de scolarité? C'est pas une question que moi, je vous pose. C'est une question que nous, Association étudiante, se faisons poser par le gouvernement. Parce que lundi prochain, lundi le 6 décembre, le gouvernement rencontre ses partenaires en éducation. Donc, la Fédération étudiante du Québec va être là. La table des concertations étudiantes du Québec va être là, la nouvellement créée TASEC. Le Conseil du patronat va être là, la CREPUC va être là. Tous les partenaires, dans le fond, tous ceux qui s'intéressent à l'éducation, qui touchent à l'éducation universitaire. Donc, le gouvernement nous a envoyé une belle petite page avec plusieurs questions, un ordre de jour qui va tenir sur une seule journée. Et la deuxième question, c'est quel principe devrait guider la hausse? Donc, ils veulent même pas savoir... Est-ce qu'il y a des options qui s'offrent à nous pour le financement? Non, non. Non, c'est sûr. C'est clair et net dans leur tête. On augmente les frais. OK. Donc, c'est là qu'on se demande où est-ce qu'ils vont pêcher leur idée de hausser. Pourquoi hausser? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Nous autres, vous savez, les étudiants sont toujours prêts à gueuler fort pour dire « touche pas à mon portefeuille, ça va faire, le jeune, on veut... » ta main dans ma poche. Et ouais, parce que c'est pas trop agréable souvent. Non, hein, François? Non. Ben, ça dépend. Donc, tout ça pour dire que on est en période de dégel jusqu'en 2012 et le 30 mars dernier, le ministre Raymond Bachand, le ministre des Finances, avait dit à la lecture de son budget « Après 2012, il y aura hausse des frais de scolarité une seconde fois, une seconde phase de hausse. » Donc là, on s'est dit « Merde, on ne pourra pas négocier. » Donc, il y aura une hausse. Et on ne pourra même pas... soumettre des idées de financer autrement l'éducation parce que oui, il y en a des idées innovatrices qui touchera presque pas le portefeuille étudiant, presque pas du tout le gouvernement, mais toucherait les entreprises. Donc ça, c'est une nouvelle idée que je vais vous apporter tantôt, une nouvelle idée qui fait du chemin depuis 2008-2007 dans les assos étudiantes, mais qui commence à prendre forme sur papier. Donc là, le ministre dit « on va augmenter après 2012 ». Et la ministre va faire une tournée québécoise pour consulter tout le monde. Puis on s'est dit, bon, au moins, il y aura un semblant d'état généraux au Québec pour dire on va discuter éducation en profondeur. Bien illusoire, celui qui croyait ça. Le 22 septembre, la ministre, en conférence de presse, tout simplement, annonce qu'il y aura bel et bien une tournée en 2010-2011. Ben, c'est au mois de septembre, donc on s'entend que c'est là. Donc, aucun préparatif. Dit, on va faire 4 rencontres pour parler d'éducation. Québec, Montréal... Non, même pas. Attends. La première rencontre, c'est pour parler de l'adaptation scolaire des enfants en difficulté. Donc, c'est primaire, secondaire. Ça touche pas les universités ni les cégeps. Donc, on dit, sur 4 rencontres, une rencontre. Allô. Deuxième rencontre, c'est celle du 6 décembre prochain. Je vais y revenir. La troisième rencontre aura lieu à un moment donné à l'automne. On sait pas quand. C'est sur la formation professionnelle et technique. Donc ça, c'est cégep, l'éducation permanente, et les cégeps, les professionnels. Exactement. Donc ça nous touche plus ou moins. Mais encore là, c'est pas sur le financement, c'est sur la formation. Quelle formation devrions-nous donner? Et la quatrième rencontre qui aura lieu à un moment donné à l'hiver 2011. A dit, ça va être la démocratie scolaire. On s'entend, c'est les commissions scolaires, les conseils de parents, les conseils de classe. Ça touche pas l'université ni les cégeps. Non, mais c'est pas des gros dossiers dans le sens que... C'est des dossiers qui auraient pu régler avec en s'assoyant avec les principaux acteurs, donc les syndicats, les administrateurs, les conseils de parents, mais pas de là à faire une tournée québécoise. Elle, elle lance ça comme ça. Donc, il reste... Comme Marie-Mé. Comme... ouais. Sauf que Marie-Mé, au moins, c'est agréable. T'as quelque chose dans la ligne. Ah, j'avoue, ouais, ouais. Pour la musique. Ouais. Elle aussi. Visuellement parlant. Oui, c'est ça. Okay, je disais pas la musique. Pas la musique, parfait. Ouais. Donc, il reste pour les universités le 6 décembre, donc lundi prochain. Sur l'horaire, il y aura seulement 7 heures de dégager pour parler d'éducation, donc 3 heures pour amener des propositions. On s'entend que on va régler le sort de l'éducation en 3 heures. Non, mais ils en veulent pas. Ils en veulent. C'est là que je te corrige. Pour justifier leur hausse, ils vont dire « Nous avons consulté tout le monde ». Oui, mais tu sais, donne-moi tes idées, puis je ferme mes oreilles, puis j'en ai pour 3 heures, puis après ça, bon... Mais, mais c'est ça, est-ce qu'il peut faire du, comment t'appelais ça en français, du filibustering, là, où le monde parle, juste pour que ça dure le plus longtemps possible? Ça, je veux dire une bonne blague là-dessus, c'est la définition du mot démocratie, OK? Le mot dictature, c'est cause toujours, c'est ferme ta gueule, en démocratie, ouais. C'est ferme ta gueule. En démocratie, c'est cause toujours. Donc, le gouvernement nous invite à parler, puis nous autres, notre conclusion est déjà écrite d'avance. La question que je vous ai posée, quel principe devrait guider la hausse des frais de scolarité? Donc, ils ne veulent pas entendre parler de gratuité scolaire. Ils ne veulent pas entendre parler d'un moratoire, c'est bien populaire ces temps-ci, sur l'éducation pour qu'on puisse se pencher intelligemment, faire des états généraux qui vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années à la limite. Le système d'éducation actuel a pris 6 ans à se réfléchir dans les années 60. En 62, ils ont créé la Commission royale d'enquête sur l'éducation postsecondaire. Et ça a duré jusqu'en 64, le ministère de l'Éducation a été créé. En 66, le rapport. Et en 68, création des cégeps universités polyvalentes. Donc, pendant 6 ans, ils se sont penchés là-dessus. Ils ont fait la tournée du Québec. Ils ont été voir aux États-Unis, en France, en Angleterre, comment ça marchait. Ils ont créé le système d'éducation moderne. Et le nombre de populations étudiantes est passé de 22 000 en 1960 à 72 000 10 ans plus tard. Donc, c'est la grande démocratie scolaire qui s'est imposée au Québec. Tout le monde a eu accès, peu importe sa région, peu importe son portefeuille, peu importe sa classe sociale, a eu accès aux études postsecondaires. C'est une belle révolution dans le domaine de l'éducation. Et ce qui donne aujourd'hui que la population québécoise est une des plus instruites non pas en Amérique, mais dans le monde. Il y a 80% des gens ont un diplôme postsecondaire. C'est faramineux, ouais. C'est beaucoup. Il y a Cuba qui c'est 100%, mais ça, c'est un autre régime. L'université est obligatoire là-bas, ouais. Mais ça, on s'en parlera. Mais c'est faramineux, 80%, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je parle soit cégep, technique ou universitaire. Et de plus en plus de femmes, en plus, embarquent. Mais ça, vois-tu, c'est peut-être le problème de la société, dans le sens qu'on n'entend pas beaucoup parler. On entend beaucoup parler de décrochage, que ça va pas bien, ces trucs-là. Mais des points où est-ce qu'on est performant comme ça, en tout cas, moi, personnellement, j'en entends pas beaucoup parler. Ils mettent des rapports, mais c'est sûr que ça fait plus spectaculaire dans les médias quand on parle de décrochage. Et là-dessus, tu me rouvres une très belle porte. Dans les pays scandinaves, on sait, c'est le social, la social-démocratie parfaite là-bas. Tout le monde dit faut parler, faut toujours nous comparer à la Scandinavie. C'est un fait. Ça, c'est vrai. Là-bas, ils ont instauré non seulement la gratuité scolaire, mais ils ont instauré le salariat étudiant. Donc, on te paie pour étudier, mais aie un bon rendement. Si tu te pognes le moineau pendant 2-3 ans, ça marche pas. Mais aie un bon rendement académique, l'État va tout faire. Et sais-tu à combien est le décrochage scolaire? Non? 2%. 2%? Wow. Dans la société au complet, là. 2%. Donc, le jeune est motivé d'aller à l'école parce qu'il dit, non seulement je vais avoir un diplôme, mais on va me faciliter la tâche pour avoir un diplôme où je vais pouvoir me concentrer à 100% sur mes études et non pas travailler 15-20 heures semaine dans une épicerie à me faire dessus par des n'importe qui. Tout pour à fait. Ensuite me dépêcher aller faire un devoir, prendre 3-4 boissons énergisantes pour avoir une crise cardiaque dans 6 ans. Puis on s'entend-tu pour dire aussi que l'argent, en fait, retourne directement dans l'État? Oui, on dit qu'un étudiant type coûte à l'État environ 20 000 $ Okay, l'État investit 20 000 $ pour un étudiant. L'étudiant, lui, paye ses frais de scolarité de 2 000 $ par année, donc on voit qu'il est en déficit par rapport à l'État. Mais une fois diplômé, que ce soit un bac, on part juste avec un bac, on va rembourser 100 fois notre investissement en impôts. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que celui qui a un bac n'aura pas le salaire minimum nécessairement aux sorties de ses études. Il va gagner 15-20 piastres de l'heure. Celui qui a une maîtrise va payer... Là, j'ai pas les chiffres devant moi, c'est trop de chiffres aussi pour les auditeurs. Celui qui a une maîtrise, celui qui a un doctorat, qui a un post-doc, va ramener en impôt beaucoup plus que quelqu'un qui a un secondaire 5, ce qui est du normal. Parce que secondaire 5, oui, tu peux décrocher un très bon emploi dans une usine, peu importe quoi, avec un très bon salaire, oui. Mais dans les chiffres, on voit que un bachelier, un détenteur de maîtrise, doctorat, rapporte beaucoup plus en impôts. D'où le grand débat idéologique. Est-ce qu'on devrait payer avant nos études ou après nos études? Les étudiants disent qu'il faudrait payer après nos études via les impôts qu'on va payer. Parce que moi, j'aimerais ça présentement, payer 50 000 $ par année en impôts. J'aimerais ça. Mais pour ça, il faudrait que j'aie un salaire de 100 000. Mm-hmm. Tu sais? Donc, avoir une maîtrise, avoir un doctorat, ça me serait beaucoup plus facile d'avoir 100 000 $ de revenus, payer 50 000 $ en impôts par année. 50 000, on s'entend, c'est je viens de payer mes études d'un coup, puis je viens de payer toute l'Université du Québec, tu sais, quasiment d'un coup, là. Donc, c'est là-dessus le débat qu'on fait. Aussi pour l'endettement étudiant. On dit, en Scandinavie, on parle d'un salarié étudiant. Au Québec, il y a l'aide financière aux études. L'aide financière aux études, c'est une vieille locomotive qui date de 1969, qui a été, si on veut parler en termes modernes, remasterisée dans les années 90, mais qui saute encore. T'sais, c'est un vieux vinyle qui saute. Mm-hmm. Là, je viens d'avoir la dépêche ce matin qu'ils étaient pour indexer de 2% l'aide financière aux études. Donc, ceux qui sont détenteurs de bourses vont recevoir 2% de plus cette année. Mais ça, c'est une loi au Québec d'indexer la bourse. Si le coût de la vie augmente, donc il faut que les bourses augmentent. Mais là, ce que le gouvernement ne se vante pas, c'est qu'entre 2003, donc l'arrivée au pouvoir des libéraux, et jusqu'à l'an dernier, ils n'indexaient pas les bourses. T'es sérieux? Oui. Ah ouais? Ils détournaient la loi, donc ils étaient hors la loi. Donc on devrait monter de pas mal plus que 2% et pour ils revenir. Ont, oui, parce que ils ont économisé 71 millions de dollars. T'sais, même pas en une décennie, là. En 2003-2009, 71 millions de $ qu'ils ont économisé en indexant pas, donc en appauvrissant les boursiers. Mm-hmm. Et Dieu seul sait que les bourses au Québec sont assez... C'est pas la mer à boire. C'est 2300 $, 3000, tout dépendamment. Ensuite, c'est les prêts qui embarquent. Et ça, les prêts, ils t'en donnent. C'est environ... Et les prêts, juste pour faire une autre parenthèse, c'est pas le gouvernement qui t'en donne. C'est la banque. Oui, tout à fait. Parce que le gouvernement se porte garant de toi, mais tu payes de l'intérêt à la banque. Le gouvernement paye de l'intérêt. En 2006, j'ai pas les chiffres pour 2010, mais en 2006, le gouvernement payait en intérêt aux banques 10 milliards sur les prêts bourses. 10 milliards. Donc, il retarde toujours le paiement parce que 10 milliards, le gouvernement n'a pas cet argent-là. Et ça a passé de 800 millions à 10 milliards. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que justement, il y a eu une augmentation des prêts, une diminution des bourses. Donc, les étudiants s'endettent. Il y a de plus en plus de jeunes sur les bancs d'école, ce qui est normal. La population augmente. Donc, le gouvernement favorise les prêts plutôt au détriment des bourses. Donc, ça endette. Le niveau moyen d'endettement pour un bachelier, c'est 9 000 $. Mais il aurait pas été mieux de continuer à donner des bourses. Il me semble que ce serait moins endetté envers les banques. Logiquement, oui. Mais qui finance les partis politiques? Qui finance? Tu sais, qui dirige? C'est pas le gouvernement. On se le dira jamais assez, là. C'est les banques. Ouais. Les crises financières, qui sont sauvées en premier? C'est les banques. C'est pas les entreprises. Donc, le taux d'endettement moyen d'un étudiant au bac, c'est 9 000 $. À la maîtrise, c'est 13 000 $. Et au doctorat, c'est 18 000. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Quand tu commences ta vie. C'est pas mal. Quand tu commences ta vie avec. Tu veux faire ta vie avec une femme. Bon. Vous êtes deux bacheliers. C'est 9 000 $ fois 2. Déjà là, c'est 20 000 $ de dette en partant. Tu vas avoir un petit, tu vas avoir une maison, tu vas avoir un char. Tu commences à une hypothèque de 25 ans, 40 ans, là, c'est pas rare que ça se retrouve. Puis avoir une hypothèque de 120 000 que tu payes une fois et demie parce que tu l'étires sur tant d'années, plus des dettes, plus un char, et c'est pas sûr que tu aies une job à 100 000 $ tout en partant. Tu vas commencer au bas de l'échelle comme tout le monde. C'est rough pour fonder une famille. Donc, c'est pas pour rien qu'une dénatalité au Québec. On veut pas faire d'enfants là parce qu'on n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. C'est quelque chose. Et on se compare toujours en Ontario pour dire qu'il faudrait augmenter pareil comme en Ontario. T'sais, on se compare le Ontario a augmenté de combien? Tu peux pas le savoir. Ils ont déplafonné. Ils se sont rendus compte que c'était néfaste. Donc, ils ont gelé les frais de scolarité en Ontario parce qu'ils s'en sont rendus compte qu'il y avait une dépopulation dans les universités. Ils s'en sont rendus compte. Et il y avait une augmentation des enfants de riches et une diminution des enfants de pauvres. Donc, c'est une classe élitiste. Donc, c'est plus au mérite académique ou à l'intelligence qu'on rentre à l'université, c'est à l'épaisseur du portefeuille. Ouais. Ils s'en sont rendus compte, ils l'ont fait, heureusement. Mais c'est un gouvernement quand même libéral. Mais c'est pas le même système libéral en Ontario qu'au Québec. Donc, on se compare toujours en Ontario. Le taux d'endettement en Ontario pour un bac, c'est 22 000 $. Au Québec, c'est 9 000. On s'entend que c'est plus que le double. Donc, s'ils veulent rattraper la moyenne ontarienne pour les droits de scolarité, ils vont s'augmenter la moyenne pour l'endettement. Donc, en passant quelques années, on va payer des frais de scolarité qui sont à 5 000 $ là-bas, tandis qu'ils sont à 2 000 par année. Donc, augmenter 3 000, mais on va plus que doubler l'endettement aussi. Donc là, tu pars avec ta blonde avec une dette de 50 000 $ en partant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi, j'en appelle à la ministre, aux étudiants ici, pourquoi ne pas s'asseoir tout le monde ensemble, trouver des solutions? Des solutions, il existe. Là, je vois l'heure passer. Il y en a une qui existe. C'est la loi du 1%. Je vais en faire juste un petit topo. Je reviendrai là-dessus plus tard dans d'autres chroniques. La loi du 1% est déjà appliquée au Québec. En 1995, le gouvernement l'a mis pour le système de santé. Donc, toute entreprise qui ont une masse salariale de plus d'un million de dollars sont obligées de verser 1% de leur masse salariale dans un fonds de réserve pour la santé. Nous autres, ce qu'on dit, c'est rajouter à ce 1%-là juste 0,1%. Donc, ou aller chercher dans le 1%, 0,1%, 0,5% ou peu importe quoi, quel chiffre, là, et on a fait une moyenne avec juste 0,5%. On irait chercher 800 millions d'argent neuf par année. Le déficit des universités, c'est 400 millions par année. Non seulement on règle le déficit en un an, mais on investit 400 millions de plus en un an. Donc, imaginez sur 2, 3, 4, 5 ans, on vient de régler une fois pour toutes le problème de financement en éducation de la maternelle, du CPE à l'université. Il y a d'autres moyens aussi. C'est le Fonds de solidarité de la santé et d'éducation postsecondaire. Encore là, c'est une enveloppe qu'on peut aller chercher. Ça dégagerait des sommes faramineuses et ça touche personne. Ça touche seulement les entreprises, ceux qui ont une masse salariale de plus d'un million de dollars. Donc, c'est pas les PME qu'on pénalise. Non, c'est ça, c'est ça. Puis, ouais. On s'entend qu'il y a une masse salariale d'un million, Hydro-Québec a ça. Donc, 1% de Hydro-Québec, t'en règles des problèmes, t'en règles. Ils font des profits astronomiques. Et surtout, on l'a vu cette semaine, ils versent des compensations à leurs actionnaires ces temps-ci. Donc, il y a eu 400 millions de données de bonus. Garde-toi! Ouais, de bonus, c'est ça. Garde-toi, mon grand. On a fait de l'argent. Garde-toi, paye un petit voyage en Sud à ta femme. Puis, viens pas trop chialer. Puis, bon. T'sais? Tandis que nous autres, on est en récession. On parle d'augmenter les frais de scolarité. Ça craque partout. La technologie n'est même pas encore rendue tout à fait partout dans les universités. Des classes sont encore en carton quasiment. Là, c'est, il n'y a même pas de système Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Ça, c'est juste les Français qui disent ça. Ah, ben, game. On ne commencera pas à parler comme ça. Hein? Non, ça peut pas. Il n'y a pas de système Internet sans fil partout dans les universités. Donc, il y a un problème récurrent en argent. Il y a des solutions, mais la ministre ne veut pas en parler, veut fait la sourde oreille, tout comme son gouvernement. Ils ne veulent rien savoir. On rappelle la date, c'est lundi. Le 6 décembre. Ouais. Il y a une grosse manifestation étudiante, syndicale et communautaire et tous ceux qui s'intéressent à l'éducation, lundi 6, à partir de 13h l'après-midi. Donc, nous, de l'UQTR, on part à 10h du poste de garde. On part en autobus là-bas pour aller dire à la ministre, on veut parler, mais pas selon vos propres termes. On veut pas juste répondre à vos questions. On a aussi des questions à poser. On a même des solutions. Assoyez-vous avec nous. Discutons, jason, réglons ça une fois pour toutes. Parfait. Merci beaucoup, François. Cool, merci, François. On se retrouve jeudi prochain à 8h30 pour une autre chronique Logocratie 101. Ouais. Puis à tes souhaits, Simon. Ouais, désolé. Je pensais que mon micro était pas là. Ben oui, mais... C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Non. Non, pas demain, c'est vrai. Lundi. Quand même, je voulais faire l'émission demain. Mais on va rentrer pareil, on va voir qu'est-ce que je fais. Ah, mais toi, t'es là après-midi, par exemple. Cet après-midi, oui, les Palmarès Cifou entre 14h et 17h en compagnie de Stéphanie Gagné. On va s'écouter la meilleure musique que Cifou a à vous offrir dans les Palmarès. Allez vous coucher, les gars. Non. Ben, restez couchés demain. Oui, demain. Demain matin. Très bon point. On se quitte. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Lundi, on va voir... qu'est-ce qu'on a, lundi? Lundi, on a Stéphanie Gagné qui va venir faire ses chroniques. Take Me Out et... Ton plat favori. Tout à fait. C'est pas mal ce qu'on a lundi, je pense, non? Oui, oui, certainement. Voilà. Donc, soyez-y dès 7h et puis passez une excellente fin de semaine. François, amuse-toi. Mathieu Plante, amuse-toi aussi. Merci François Landry, merci Simon Fétubé. Hey. Et à tous les gens qui ont participé cette semaine, bye. Salut. Prends une pastille. Un peu de Ricola. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.